La plupart des hommes qui étaient là avaient servi au moins quatre gouvernements, et ils auraient vendu la France ou le genre humain pour garantir leur fortune, s'épargner un malaise, un embarras, ou même, par simple bassesse, adoration instinctive de la force. Tous déclarèrent les crimes politiques inexcusables. Il fallait plutôt pardonner à ceux qui provenaient du besoin. Et on ne manqua pas de mettre en avant l'éternel exemple du père de famille volant l'éternel morceau de pain chez l'éternel boulanger. Un administrateur s'écria lui-même: Moi, monsieur, si j'apprenais que mon frère conspire, je le dénoncerais. Frédéric invoqua le droit de résistance et, se rappelant quelques phrases que lui avait dites Des Lauriers, il cita Desolmes, Blackstone, le Bill des droits en Angleterre et l'article 2 de la Constitution de 91. C'était même, en vertu de ce droit-là, qu'on avait proclamé la déchéance de Napoléon. Il avait été reconnu en 1830, inscrit en tête de la charte. D'ailleurs, quand le souverain manque au contrat, la justice veut qu'on le renverse. Mais c'est abominable, s'exclama la femme d'un préfet. Toutes les autres se taisaient, vaguement épouvantées, comme si elles eussent entendu le bruit des balles. Madame d'Ambreuse se balançait dans son fauteuil et l'écoutait parler en souriant. Un industriel, ancien carbonaro, tâcha de lui démontrer que les d'Orléans étaient une belle famille. Sans doute, il y avait des abus. Eh bien, alors, mais on ne doit pas les dire, cher monsieur. Si vous saviez, comme toutes ces criailleries de l'opposition, n'eussent d'affaires. Je me moque des affaires, reprit Frédéric. La pourriture de ces vieux l'exaspérait, et, emporté par la bravoure qui saisit quelquefois les plus timides, il attaqua les financiers, les députés, le gouvernement, le roi, prit la défense des Arabes, débitait beaucoup de sottises. Quelques-uns l'encourageaient ironiquement. Allez donc, continuez! Tandis que d'autres murmuraient. Diable, quelle exaltation! Enfin, il jugea convenable de se retirer. Et comme il s'en allait, M. d'Ambroise lui dit, faisant allusion à la place de secrétaire: Rien n'est terminé encore, mais dépêchez-vous. Et Madame d'Ambroise, à bientôt, n'est-ce pas?